بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واكتفى، ما بعد. Donc on a pu voir hier les leçons qui sont relatives à la leçon 12 petit a. On avait pu voir que le jam' awalan était de deux catégories, jam' muzakkar salim et jam' taksir. On avait dit celui qui connaît jam' muzakkar salim est 13, celui qui connaît jam' muzakkar salim le son numéro 13, celui qui connaît jam' muzakkar salim copier-coller, celui qui connaît jam' muzakkar salim par élimination il va connaître quoi, jam' taksir. On avait dit jam' muzakkar salim c'est celui qui est dans son singulier, tam, il ne sera pas modifié et tu rajoutes waw al-jama'a et non. Le waw, hona, c'est quoi? Le jama'a. Le waw ici, c'est quoi? C'est le kadaka al-mat al-rafa. C'est le signe qui nous prouve que le muslimouna, mathalan, al-muslimouna, il est quoi? Il est marfoua, le waw. Et le non, c'est celui qui remplace la tanwin dans le singulier, comme on avait dit. Tam. Ensuite, on avait pu voir qu'il n'y en a que hum. C'était quoi le pluriel de hum? C'est le pluriel de là. De hum. Houa. Tam houa. Ohum. Tamam. On avait dit la particularité de hum, c'est qu'il est quoi, comme on a pu voir avec le frère. C'est un damir. Munfasil ou muttasil. Tamam. Il s'accroche et il peut être détaché aussi. Hum tullab. Tamam. هم مثلا فيهم فيهم لهم تمام لهم لا الى كروشي تمام فيهم فيهم يعني on va le voir يرجع بس يعني tu peux dire فيهم c'est lourd c'est même باب المناسبه بس sinon c'est فيهم لكن فيهم c'est lourd فيهم تمام نعم كما لدي لهم تمام donc là il est متصل لهم هم طلاب منفصل. On avait dit c'est un damir متصل و منفصل et qui est quoi utilisé pour للجمع المذكر pour utiliser الجمع المذكر الغائب pour celui qui est pas présent pour celui qui est présent mais tu parles en ça pour rien et pour lui. تمام. On avait vu aussi كذلك هؤلاء. هؤلاء c'est le pluriel de هذا العكس هذا هذا بيت. هذا c'est le pluriel de هو et هذا c'est le pluriel de هو. Non, هم c'est le pluriel de هو. وهذا son pluriel c'est هؤلاء. تمام. وهؤلاء هؤلاء on avait dit c'est quoi اسم إشارة للجمع المذكر والمؤنث. تمام. Sa particularité c'est que tu peux utiliser celui-là ce جمع-là pour le pluriel féminin ou bien le pluriel qui est masculin. مثلاً، un groupe de femmes est passé, tu dis هؤلاء نساء. Un groupe d'hommes est passé, هؤلاء رجال. تمام؟ Comme on a pu voir, هذا c'était pour quoi؟ Simplement le masculin. وهذه c'était pour le féminin. لكن pour le جمع، il y a une كلمة يجمع الاثنين. تمام؟ Et ça c'est pourquoi؟ يعني للعالمين، pour ceux qui sont doués de science. تمام؟ أما comme on va le voir، يعني les choses qui sont pas doués de science ou tu peux pas qualifier comme étant doués de science les objets. تمام؟ Tu n'utiliseras pas, si jamais c'est au pluriel, tu n'utiliseras pas haoula. Maintenant, el kutub, pour les, ouais, les l'aqab, eh, pour les objets, non, tu peux dire l'aqab. Ama, مثلا, haoula al-kutub. Tu ne dis pas haoula al-kutub. Ça, c'est khata. Hein? Tu ne peux pas dire, مثلا, al-kutub là. Kitab, son jam, c'est quoi? C'est kutub. T'as j'ai envie de démontrer cette chose-là. Qu'est-ce que je vais utiliser? Tu diras hadi. Tu ne diras pas haoula. Parce que haoula, c'est spécial pour qui? Lil'alimin. Pour ceux qui sont. Et hésite ça. Rajoute ça. Rajoute-le. Lil'alimin. Tamam? Pour ceux qui sont doués de science. Amma, lorsque ça sera un pluriel. Tamam? Un pluriel. Il y en a qui est par aquel. Les objets. Tu vas utiliser. Yani, tu vas faire comme si jamais il était quoi? Singulier féminin. Tu fais comme s'il était singulier et féminin. Et féminin. Yeah. C'est-à-dire que مثلا, si jamais j'ai envie de montrer ces choses-là, je dirais هذه الكتب. تمام؟ هذه الأحذية. تمام؟ Pourquoi? Parce que c'est pas أحذية, c'est le jam de حذاء, c'est les chaussures. تمام؟ هذه الأقلام. تمام؟ Et pour toute chose. تمام؟ مثلا je dirais هذه الكتب التي, j'ai pas dit التي le pluriel. هذه الكتب التي على المكتب جديدة. J'ai pas dit جدد. تمام؟ Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est un jam غير عاقل. Et les gems qui ne sont pas haakel, les objets, ceux qui ne sont pas doués de raisonnement et de science, tu ne vois pas, lorsqu'il est au pluriel, c'est comme si jamais il était quoi? Masculin singulier. C'est-à-dire, que ça va, il va, tout ce qui va venir, masculin singulier, féminin singulier. C'est-à-dire, tout ce qui va venir après, ou tout ce qui va venir avant, tout ce qui va se lier à cette chose-là, tu vas les accorder en féminin singulier. تمام الا ليس pour le mufrad masculin مثلا regardez كتب comme j'ai écrit hier كتب c'est quoi c'est le jam de kitab son pluriel تمام j'ai envie de démontrer ces choses là les كتب je vais utiliser quoi je dirais هذه تمام je fais comme si jamais il était quoi singulier féminin parce que هذه tu utilises pourquoi le singulier et féminin تمام je vais utiliser maintenant le pronom relatif اسم موصول. C'est lequel que je vais utiliser? Allati. Pourquoi? Parce qu'allati, c'est celui qui est utilisé, pourquoi? Singulier? Féminin. Hadihi al-kutubu allati. Tamam? On va dire maktab. Ala al-maktabi. Les livres qui sont sur le bureau. Ça, c'est le khabar. Le khabar? Jadida. Tamam? Je vais faire comme si jamais. Al-kutub ici, c'était quoi? Il était mu'annath mufrad. Comme si. C'est-à-dire tout ce qui se rapporte à lui, tout ce qui se rapporte à lui, comme vous pouvez le voir, il est au singulier féminin. Pourquoi? Parce que c'est quoi? Kutub, c'est un diam, c'est un diam qui n'a pas de raison. Et tous les diams qui n'ont pas de raison, tous les pluriels qui n'ont pas de raison, tu fais comme si jamais c'était féminin, singulier. Féminin et singulier. Pour tous les objets qui sont au pluriel. C'est vrai? Ouais, c'est le but de la leçon. C'est-à-dire que haoula. Mais quelque chose qui était masculin, tu vas le. Mais c'est aklam. C'est quoi son singulier? Qalamun. Qalamun, c'est quoi? Masculin. Singulier. Son diam, son pluriel, c'est quoi? Aqlam. Tu diras? Hadihi al-aqlam. Tamam? Tilka ayatullah. Tamam? Tamam? Aya. Son pluriel, c'est quoi? Ayat. Allah dit Tilka Ayatullahi nutla alaykum. Yutla alaykum. Yutla alaykum. Tamam, il a utilisé quoi? Tilka. Alors que ayat, c'est un diam. Lakin, c'est un diam qui est quoi? Qui n'a pas d'aql. C'est pour ça qu'il a utilisé quoi? Tilka. Ouais, moi, je n'ai pas compris. Comment tu n'as pas compris? Non, parce qu'il a utilisé Tilka là. Hadihi, c'est pour une chose qu'on a dit proche. Tilka, c'est pour une chose qu'on aurait pu dire là, Tilka. Là. C'est pas obligé que tu utilises Al-Ladhi. Tilka. Tu te trompes pas. Al-Ladhi, Jadida, c'est tu l'accordes. Tout ce qui est relié à lui, tu l'accordes comme si jamais tu fais comme si jamais il était quoi? Singulier féminin. Donc, Haoula, c'est khas lil alim. Tu dis pas Haoula al-Kutub, ça c'est une khata. Et on a vu qu'il n'y en a que tout le jama' taksirat qui est sous la forme qui a la wazn af'ila ou bien qui a la wazn fu'ala, il ne prend pas de tanwin. فقراء tu dis pas يعني فقراء والله الغني وأنتم الفقراء non ça marche pas là les الفقراء aussi parce que je veux un truc qui est indéfini تمام على كل حال فقراء تمام c'est quoi tu dis pas فقراء tu dis فقراء ou pourquoi parce que c'est un جمع تمام qui a le وزن فعلاء c'est quoi le وزن c'est quoi la forme c'est une chose qui va te permettre de pouvoir يعني faire un qiyas sur d'autres choses تمام amoun c'est-à-dire au lieu que toi tu viennes t'apprends tous les pluriels qui ne prend pas de tenouin, au lieu d'apprendre tous les pluriels qui ne prend pas de tenouin, tu vas te fatiguer. Tu apprends la forme à laquelle, si jamais le mot il est conforme, il prendra tenouin. C'est-à-dire que tu prends le wazn, ça s'appelle ça, le moule. Fu'ala, c'est-à-dire tout ce qui est sous la même forme de fu'ala, il prendra le même hukm. Fu'ala, fuqara, zumala. Et kathir. مثلاً يعني كذلك أفعلة كما نفجر تمام أفعلة كذلك تذكر على وزن أفعلة بخمبا لتنوين أصدقاء تمام أطباء إلى آخره تمام صرنا نفجر بس يعني الجمع التكسير هذا plusieurs أحكام لا plusieurs jugements تمام mais ça c'est un jugement parmi les jugements du jam il y avait quoi encore c'est tout tu l'as dit بعد إيه بعد بعد يعني إيش c'est les تبعيد Il est pour dire certains. Du mazakar. On avait dit, at-tab'id, il y a les bardes, lorsque tu dis bard, c'est pour dire quoi ? C'est le contraire de kul. Bard al-nas, tilka al-rusulu faddalna, ba'duhum ala ba'd. Allah, il n'a pas faddal, comment s'appelle, tous les rusul ala rusul. Lakin ba'duhum ala ba'd. Tilka al-rusulu faddalna, ba'duhum, il y a certains de nos messagers, on les a favorisés à d'autres. Hein? Par rapport à d'autres. Marna Bart, il y en a certains. Autres. Hein? C'est l'inverse de quoi? Cool, tout le monde. Hein? Donc Bart, comme on a pu le dire, c'est comme avec Mara, c'est comme avec Tahta et tout ça. Ce qui vient après, généralement, c'est quoi? Mondaf ou Nilehi. Ba'duhum, si jamais tu fais les halab, tu diras Bart, Mondaf. Walhum, Huna, Mondaf ou Nilehi. Donc là, on va lire, Inch'Allah, la leçon numéro 13. B. C'est toujours la même chose, c'est dans le purée. قال المؤلف سي 74 قال المؤلف من هؤلاء الفتيات يا مريم تفهم من هؤلاء الفتيات يا مريم تمام من هؤلاء الفتيات يا مريم من هؤلاء الفتيات يا مريم كي سون Ces jeunes adolescentes, il y a Mariam. Fatayat, c'est le djem de quoi? De Fatah. Fatatun. Le Fatah, c'est l'adolescente. Et son singulier, c'est quoi? Masculin, je veux dire le masculin de Fatah. Fatah. Avec l'alif, maqsoura. L'autre, avec Temarbota à la fin. Fatah. Fatah, alif, Temarbota. Fatah. Le pluriel de Fatayat ou de Fatah, c'est quoi? Fatayat. Fatayat. أما الفتاة son pluriel c'est quoi فتياتون إنهم فتياتون آمنوا بربهم وزدناهم هدى قال هن زميلاتي هن زميلاتي هن c'est le pluriel de quoi de هي le هن c'est le pluriel de هي زميلات c'est le pluriel de زميلة تمام donc c'est comme un de classe قال أخواتن هن sont-elles des sœurs أخواتن هن أخوات C'est le jam' de quoi? De Ukht. Le jam' de Ukht, Akhawat. Le jam' de Ukht, Hun, comme on a pu le voir. Na'am Hun, Akhawatun. Na'am, ce sont des sœurs. Man Abu Hun, qui est leur père. Comme c'est des sœurs, elles ont un père. Que la personne peut se dire, mais celle-là, c'est le jam', donc ils ont plusieurs pères, non? Tu peux avoir plusieurs sœurs, et le père, c'est Wahid. C'est pour ça que le père, là, il est quoi? Singulier. Hun, man abu hun. Qui est leur père? قال abu hun, الشيخ بلال. Aba. Aba. Abu hun, الشيخ بلال. Leur père est le Cheikh Bilal. Wa ummuhun, ustadati. Et leur mère, c'est ma professeur. Aina baytuhun, où est leur maison. Beytuhun qaribun minal madrasa. leur maison est proche de l'école. Le jam mu'annath. Là, c'est jam mu'annath. As-salim et taksir. Kadalika. Donc là, la première chose qu'on va voir, donc c'est le jam. Comme on a pu le voir avec le masculin, le jam kadalika dans le féminin, il se divise en deux. T'as le jam muzakkar ou jam mu'annath. As-salim ou un jam at-taksir. Mujam mu'annath at-taksir. Donc c'est la même leçon que là. La précédente, sauf que chacun des jam' comment s'appelle, as-salim, du féminin au masculin, il différencie dans la manière de la structure, la construction. Sinon, c'est la même chose. Donc le jam' mu'annath as-salim, pour qu'on dise c'est un jam' mu'annath as-salim, il faut que son féminin il soit épargné de toute modification. Maintenant, on va prendre le jam' de muslima, qui est ma'ruf, muslima. Si je veux son jam', qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder la base. Parce que c'est quoi la base de la kalima? C'est muslim, islam. Sin, lam et le mim. Je vais tout garder. Le ta, c'est juste pourquoi? Une halama ta'anith. Pour montrer qu'il est féminin. C'est-à-dire qu'il faut que tout soit salim, rien ne bouge. Aucune kasra, ni ne fetha ni damma, elle doit être permise. Elle reste telle qu'elle. Comme on a pu le voir avec quoi? Avec jam mudhakkar as-salim. Donc ça va te faire, ça va te donner quoi? Musli. Et le thème arbota, il saute. C'est-à-dire c'est celui à qui tu vas rajouter avant le thème arbota. Tu vas le rajouter quoi? Le alif et le ta. Comme nous on avait rajouté quoi? Le waw et le nun pour le masculin. Là pour le féminin dans le pluriel, ce qui est salim, tu vas rajouter quoi? Après ou avant plutôt le ta marbouta bi ziyadati alif wa ta. Yarhamukallah. Tamam? Hakada. Tu diras mus li matun. Donc c'est la même chose. Si jamais tu connais jam mu'annath as-salim, khalas. Alhamdulillah, waffar laka ma'rifatash al-jam taksir. Jam taksir, c'est tout ce qui est pas jam, yani mu'annath as-salim. Donc pareil, par élimination, si jamais tu connais celui-là, tu connaîtras automatiquement l'autre. Ukhtun. Son jam c'est quoi? C'est quoi le jam de ukht? Akhawat. Ukhtun, akha, watun. Il est où? Jam salim ou jam mu'annath taksir? Ukhtun wa akhawatun. Il est dans quel type de jam? À droite ou à gauche? Salim ou taksir? Taksir? Taksir? Attention. Al muqallil laysa bi halim. Bi jama' al muslimin. Salim. C'est le même principe, sauf que qu'il y a un ya qui veut venir. Regarde l'alif. Aha. Et là, ukht. On a dit rien ne change. Rien ne doit changer. Le kha, il a une soukoun ici. Et là, il a une fatha. Même dans ça, ça ne doit pas changer. Rien, rien. Ni dans les consonnes, ni dans les lettres. Rien ne change. Mou, mou. Mous, mous. Li, ma, ma. Souvent, après, avant le terme en longtemps, on a dit rajoute une fois. Là, ça a changé. Ici, ça a changé. On a rajouté un waw, on a rajouté un alif. Donc, il peut être où? Il est ici. Il a été cassé. Sa base a été cassée. Par quoi? Une, deux, trois, quatre choses. Il y a quoi encore? Ils l'ont pas ramené, moi, on va le mettre. Ummun, qui est la mère. Ummuhatun. Taksir. Limada ya ha. Il n'existait pas. Le ha de yan la ha. Il n'y a pas ici. Non, il n'y a pas de ha. Pourquoi tu te compliques la vie? Il y a un ha ici? Là. Il y a un ha? Là. Il y a un ha ici? Là. Écoute, là, on va. Une technique. Mumarridatun. Mumarridatun. Son jam, c'est quoi? Mumarridatun. C'est quel jam, celui-là? Salim. T'es sûr? Yakin ou. Yamti. Yakin. Salim. Pourquoi? Rien n'a changé. On a enlevé la thème arbouta, on a ajouté Alifta. On prend notre truc. Bon, celui-là, il est simple. Ceux qui se trompent, franchement, il a le col. Madarasa. Madarisu. Madarisu. Il achète quoi? Heya. Taxir. T'es sûr? On va pas s'étaler sur les exemples, Inch'Allah. À partir du moment que vous avez compris, là, c'est bon. Tamam. Donc là, c'est Yahoo, Kazalika, on a vu Yahoo. Et on doit voir Hoon. Non, là, j'avais vu ça avant. C'est le tourel de Hoon. Tamam, Hoon. Non, c'est Hoon, c'est de Hoon. Non, c'est le pluriel. C'est de Hadihi, ça. Tamam, c'est quoi? C'est le féminin, c'est de Hoon. C'est un Damir. Munfasil. Tu as la foi? Muttasil. Il est les deux. L'Eljama. Al-Mu'annas. Al-Ra'iba. Ça va, donc c'est un Damir? Donc, prenons attaché qui à la fois utilisé pour les choses qui sont détachées. L'Iljam al-Mudak al-Mu'annath al-Ra'iba. Damir al-Mufasilun wa Mutasilun al-Jam al-Mu'annath al-Ra'iba. Pour ce qui sont Ra'ib. Regardez, dans les deux, dans le même verset, il a été utilisé quoi? Damir, le Damir qui est Hun, Munfasil et Mutasil. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. تمام. Donc il y avait ça. تمام. Donc on peut voir là بيتهن متصل. بيت أهن لباس لكم مثلا. بيت. بيتهن. ما تفضل عندك. أين بيتهن في مال العرب؟ وزيد تفضل. سيكون مبتدا. C'est quoi comme phrase déjà? Attends, khalleh. C'est une phrase quoi? Khalleh. Ismiya. Mubtada ou khabar? Mubtada khabar. Ilul mubtada ou khabar? C'est le mubtada. Baytuhum c'est mubtada? Aywa. Wal khabar? Yak ayna de toute façon. Pas trop, yak deux mots. Baytuhum ya ayna. Si baytuhum c'est le mubtada, ayna c'est le khabar. Si ayna c'est le mubtada, il n'y a pas de sous-entendu. Mets-le au masculin au singulier, tu vas comprendre. Farid. Mais lui, la phrase. Aina beytuhun. Il est le mubtada. Aina beytuhun. Tuhun. Uhum. Beytuk. C'est ce que tu veux. Aina. C'est tout simple. Je vous l'avais dit en plus. C'est mubtada. Vous allez écrire parce que vous l'avez oublié. Aina, c'est mubtada. Ya. Beytuk, c'est khabar. Taam. Enta. Et toi? Et toi? Tu suis les jumeaux. Non, tu ne peux pas dire tu suis. Parce que suivre, c'est avec ilm. Dis je qallad. Et Allah, il dit quoi? Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ittabi'u, c'est bi'in. Il est apparent. Antum ajabtum wa akhta'atum kullukum ajma'un. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit dans les phrases interrogatives, lorsque tu veux connaître le mubtada et le khabar, réponds à la question et tu vas retrouver le mubtada et le khabar. Si je te dis aina baytuhun, tu vas dire matalan baytuhun qaribun min al-masjid. C'est-à-dire que la chose sur laquelle tu t'es interrogé là, tu as répondu qaribun min al-masjid. Là tu t'interroges sur quoi? C'est quoi l'information? L'endroit où il est. C'est pas sur le bayt. L'endroit. C'est l'endroit, c'est l'information. Parce que lorsque tu réponds, tu dis quoi? Baytuhun qari ou baytuhun huna. Pour trouver le mubtada du khabar dans une phrase interrogative, il suffit de répondre à la question pour trouver le mubtada du khabar. Et généralement, c'est toujours mubtada al khabar dans les phrases interrogatives qui est précédée. Parce que tu fais précéder l'information, même au sujet, comme en français. Tu dis pas t'es qui. Ça, c'est faux. Ça. Quand tu dis t'es qui, ça c'est du. Qui es-tu? Tu dis qui es-tu? Mon carton dit t'es qui toi? Ouais, chef. Bon, on pose même pas de question, mon carton, des fois. T'as même? Donc là, leçon numéro. La B, elle est simple. Ça. Il y a deux points à voir. Djem Taksir, Djem Wanas Salim et Hun. T'as même? Ça, c'est le résumé du cours. T'as même? Donc là, on va entrer un petit peu dans l'exercice pour voir si jamais vous avez bien compris. Vas-y, faites l'exercice moral à l'oral, vite fait. حول المبتدا في الجمل الآتية إلى جمع كما هو موضح في المثال. Donc il dit le مبتدا, tamam, dans les jumlas qui sont suivantes là, les phrases qui suivent là, il faut que tu le mettes en quoi? En pluriel. Comme il te l'a indiqué dans l'exemple là, le premier. Il a dit مثال هذه بنت. C'est une fille. تام هؤلاء بنات عند من السؤال. من عنده جواب يرفع يده. T'as levé la main en premier. T'as levé la main en premier. Fadban. Hadihi bintun. Son jam, c'est quoi? Ah. Je vais te poser une question. Tamam. Et la question, je l'avais en 5 secondes. Tamam. Hadihi bintun. C'est quoi son jam? Tamam. T'as répondu en 3 secondes. Il te reste 2 secondes. Je vais trop donner 5 secondes. Tamam. Pour répondre à la question qui suit. C'est Jam Mouanes Salim ou Jam Mouanes Taksir? Ah, Wahid, Nain, Salatha. Je te laisse 3 secondes pour dire si tu es d'accord avec lui ou pas. 1, 2. Et toi, Ali? 1, 2. Faut suivre. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Il a dit Bintun ou Benat, c'est un Jam Taksir. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est Bint. Bint. Le bail était avec une kasra, là, il n'y a plus. C'est une fatha. Le nous l'avait une soukoun, et là il y a une fatra. Benat. C'est ça que je gagne, t'as récupéré. Trop grand pour toi. Mais tu. Naam. Faddal. A toi. Faddal. Hadihi talibatun, comme tu diras le pluriel. Hadihi talibatun. Talibatun. Talibatun. Tu le dis. Pluriel de hadihi. C'est. Ha. Oula. Ha. Oula. Oula. Talibatun. T'as même le djem, mais vous l'avez entre parenthèses. Hein. Donc ne faites pas de bela. Bardet. Vas-y, ahadihi. Ahadihi. Mudarri. Mudarri Sadou. Naam. Haoulaï. Mudarri Sadou. C'est quoi Mudarri Sadou? Djem taxi ou djem salam? Salam. Ahadihi. Le 3. Ahadihi tabibatu. Naam. Haoulaï. Tabibatu. طبيبات سالم وتكسير هي بسرعة واحد اثنين ثلاثة تمام هذه مسلمات نعم هؤلاء مسلمات هذه زوجة 5. Hadihi Et tu peux utiliser pour la femme aussi zouj. Tu dis hadihi zouji. T'as bon? T'as le droit. La kien, c'est mieux d'éviter. Haoulaï ahawatun. T'as bon? Salim Taksir, on sait pas. Pas besoin d'avoir compris le son. Vas-y. C'est quoi? Taxi, on l'avait mis. Tom, hadihi. Hadihi. Ah voilà. Où ça, c'est où là? Le 7. 7, hein? C'est bien ça. Hadihi fatatun. Ah. Fatayatun. Ah. Hadihi fatayatun. Vas-y. Avec Jadid. Hadihi. Jadidatun. خلاص. Vas-y. Haoula. Tam. Pour les femmes, tu diras qu'elle est judoud. Tu dis pas jadidat. Tam. Parce que ça, c'est marrant quand on a quoi? Jadidat. Lakin ma. Hadihi. 9. Hadihi kabiratun. Hop. Haoula. Kibar. Tam. Kibar. Comme vous le voyez, Yanni. Qu'est-ce que tu peux utiliser pour le masculin? Tam, kibar, tu peux dire pour rijal haoulaï kibar, tu dis wa haoulaï an-nisa kibar. Kabirat, ba'dhum al-ism. Kibar. Saghira. Hadhihi saghiratun. Haoulaï sigh. Sigha. Sigha. Sigha. Il est quelle heure? Regarde là. Il est 11h. Ah, le moins quart, avant. Faites la lisez. Il dit Iqra wa ktub. Pour l'écriture, frère, chez vous. Là, lisez. Exercice, il faut le faire, exercice numéro 2. Écrivez-le. Vous écrivez. Vous écrivez. Là, on va lire tout de suite. Vas-y, c'est calé en dernier. Vas-y, à toi, mon Chris. Et tu traduis. Traduis. Celle-ci. Et celle-là. Akhwati. Ikhwati. Ikhwati. Ceux-là sont mes frères et celles-ci sont mes sœurs. Tam. À toi. Mal ha'oula'i al-fatayatu. Al-mudarrisati. Al-mudarrisati. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi, Manhaoula Fatayatou? À qui sont ces enfants? Non. Là. Manhaoula. Qui sont ces enfants? Ces adolescentes. Haoula. Les enfants de. Ce sont les filles? Ce sont les filles de. La du prof. Tu vois? Trois, vas-y, te fadal. Tu vois? Où sont les. Les nouvelles étudiantes. Elles sont parties. Non. Donc, un point en plus. Donc, Zahabna, c'est quoi? C'est un fi'l avec le fa'il. Le fa'il ici, c'est quoi? C'est Noun et Niswa. Noun et Niswa. Le Noun qui est utilisé pour les femmes. Noun et Niswa, c'est le. Le genre féminin, le pluriel. Noun, al-niswa. Noun, al-niswa. Tam. Et noun, al-niswa, c'est l'équivalent de quoi? De hun. Ça veut dire quoi, hun? Tam. Donc, lorsque tu veux conjuguer, le verbe mardi, tu ne ramènes pas? Zahab, noun, hun, mardi, tu vois? Tu ramènes noun, al-niswa. Tam. Et ce que tu fais? Tu mets une sukun. Tamam. À la dernière lettre du verbe. Mais ça, tu veux dire, elles sont parties. Tu dis quoi? Kharaj. Kharajna. Il faut faire attention de ne pas mettre Ahmed. Parce que si tu mets Ahmed, ça ne va pas être elles sont sorties, mais ça va être quoi? Nous sommes sortis. Nous étions sortis. Kharaj. Kharajna. Et elles sont parties. J'aime tu dis Kharajna. Kharajna. J'aime tu mets Ahmed, c'est plus elles sont parties. C'est nous qui sommes partis. Faire attention, pas mettre Ahmed. Kharajna. Si jamais tu mets Ahmed, parce que les deux s'écrivent la même chose. Sauf que pour dire là, c'est quoi? Elles sont. Tu vois? Elles étaient parties plutôt. Farb bayna huma. Tu vois? À l'oreille, il y a juste là Ahmed. Si jamais tu mets Ahmed, tu veux parler, tu veux dire elles sont parties, tu mets Ahmed, la personne qui est en face de toi ne va pas comprendre elle. Elle va comprendre nous. Que tu es en train de parler pour. Un djem. Nous. Kharajna. Allez, Zahabna. Elles sont parties. Zahabna, nous sommes partis. Entabihu. Donc, comment ça se passe avec nous dans l'histoire lorsque tu veux le conjuguer? Tu mets une sukun sur la dernière lettre du verbe. C'est quoi la dernière lettre du verbe ici? C'est le ba. Zahaba. Tu mets une sukun et ensuite tu fais quoi? Tu fais entrer nous dans l'histoire. Allez, comment ça? Fahimtum? Hakada. Et si jamais maintenant je veux dire ils sont partis avec un S, comment je fais? Ils sont partis. Non, en arabe. Dhabou, je mets le waou, après le ba. Lakin, qu'est-ce qui se passe? Le waou, comme c'est un waou, c'est un med. Donc ça veut dire le alif qui était avant, il est permetté en waou. Parce que le waou, il allonge quoi? La damma, et pas la fatha. Pour ça, ils ont dit dhabou. Et là, c'est quoi? Dhabna. Tu mets une sukun, et ensuite tu ramènes une nesma. C'est simple. Vas-y, fais la suite. On était où? Donc, nous avons le maktaba. À toi. Aina, le 5. Aina بناتك يا عم يا عمتي يا عمتي وكنا في المطبخ c'est-à-dire quoi مطبخي. Où sont tes filles يا عمتي c'est-à-dire oh ma tante tante non, عم c'est l'oncle عم تمام c'est l'oncle dit quoi donc c'est une tante tante quoi paternelle maternelle non عم العمة c'est paternelle, la khala c'est maternelle. Tiens. Elles sont dans la cuisine. Elles sont dans la cuisine, vas-y. Ha'oula al-mumarridat al-mumarridatu muslimat muslimat tun tun tin tan c'est quoi tun tin tan مسلماتين. انت تجيك هؤلاء الممرضات مسلماتين. ويا c'est quoi le sens de la phrase? Est-ce que elles sont des infirmières musulmanes? Des infirmières musulmanes. Musulmanes. Est-ce que ces infirmières sont musulmanes? C'est quoi là? C'est un khabar. Donc le khabar marfou. تمام بعدين اذا دي كوا نعم سي كو لا كيس كي تي دي لا vas-y pose la question c'est quoi la question traduction plutôt c'est quoi la traduction hein quoi la traduction de la phrase là est-ce que ces infirmières sont musulmanes نعم sont musulmanes et la réponse oui تفضل هؤلاء طبيبات طبيبات نعم أزواجهم أزواجهن مدرسون تمام سكوا هذا خاف celles-ci sont des infirmières نعم non sont des ça médecins médecins des médecins leurs maris sont des professeurs أزيد تفضل بوكيس من هذه من هذه المر المرأة من هذه المرأة هي زوجة الطبيب زوجة الطبيب الجديد تجو خبر فاجتو مبتدا إلى ce qui vient après il est aussi كذلك مضاف مضاف إليه يا زوجة الطبيب الجديد زوجة والطبيب la femme du médecin la femme du médecin parce que c'était déjà vu مضاف على جافي سي 205 اه سي جافي فصا يا زوجة الطبيب الجديد والجديد سي كوا سي النحد كوا الطبيب دونك ساكوب كم الطبيب تمام مضاف مضاف اليه هي مبتدا زوجة خبر وهو مضاف والطبيب مضاف اليه الجديد نعت للطبيب سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي